Thank you. Thank you.

Thank you.

spécial. Un caillou si spécial. Prêt à te prendre la main. Un caillou si spécial. Prêt à te remonter le moral. Prêt à te prendre la main. Un caillou si spécial. Prêt à te remonter le moral. C'était il y avait sa spécial. Il était si joyeux. Il passait dans ses mains. Se déplaçait telle si joyeux. C'était le caillou qui prend place dans ses mains. Rappelle-toi, ce gars-là. C'était il tenait avec lui une basse, un caillou si spécial. Chant. Il tenait avec lui une basse, il accostait les nanas. Capable de sauter dessus, ces gars, t'as pas intérêt. travers. Si t'es incapable de te sauter dessus, fais qu'une passée. Si t'es un caillou, fais qu'une passée. Petit caillou, petit caillou, petit caillou, petit caillou.